On peut compter sans y toucher le temps qui passe. Regarder un sablier s'infiltrer dans l'impasse. Mais l'ami de notre vie, soyons acteurs, pas spectateurs. Le rivet sur la montre, quelle que soit l'heure. Moi, j'ai opté pour le mouvement perpétuel, mec. Je me balance sur les mesures à ma guise. C'est ma mec à moi, j'ai fait l'ébauche chronologique. Je tiens dans ma main mon micro, je parle sur une rythmique. Le bonheur tient qu'à un fil du temps. Le malheur nous annihile quand vient le moment. J'annèle dans mon coin, à l'abri des regards. La poitrine comprimée, tu sais, comme la peur du noir. Mais t'inquiète cousin, je m'érige pas en martyr. Je poursuis mon chemin tranquille, c'est la vie qui m'attire. Dex perso, j'ai la montre au poignet droit. J'ai la tête gauche, je connais l'heure et je connais l'endroit. Le temps passe lentement, tic-tac, je chante doucement. Le temps s'égrène, réveil qui sonne, jusqu'à ce que mon heure sonne. Le temps passe lentement, tic-tac, je chante tranquillement. Le temps s'égrène, on change la donne, devenir enfin des hommes. Le temps passe lentement, tic-tac, je chante doucement. Le temps s'égrène, réveil qui sonne, jusqu'à ce que mon heure sonne. Le temps passe lentement, tic-tac, je chante tranquillement. Le temps s'égrène, on change la donne, devenir enfin des hommes. Je voudrais que la roue du temps fasse pour une fois escale. Laissez le temps aux gens qu'en bavent de remédier à leur mal. On a besoin de repos ici bas, je te le jure mon ami. On a le cœur gros ici et là, je te l'avoue ma chérie. Et ouais, c'est à toi que je pense, je voudrais que tu le comprennes. L'amour que j'ai pour toi éloigne de moi la haine. Compte les secondes s'il te plaît qui nous séparent. J'arrive bientôt tu le sais, à moins que la mort me barre la route. Ouais, j'ai dissipé mes doutes, certifié mes envies. J'attends le mois d'août avec impatience. À toi seul je pense, je vais tenter de t'écrire, rattraper mes absences. Plus les minutes s'écoulent, et plus je me fais à l'idée que sous les ponts l'eau coule, et même en plein été. En attendant, écoute ça. Le temps passe lentement, tic-tac, je chante doucement. Le temps s'égrène, réveil qui sonne, jusqu'à ce que mon heure sonne. Le temps passe lentement, tic-tac, je chante tranquillement. Le temps s'égrène, on change la donne, devenir enfin des hommes. Le temps passe lentement, tic-tac, je chante doucement. Le temps s'égrène, réveil qui sonne, jusqu'à ce que mon heure sonne. Le temps passe lentement, tic-tac, je chante tranquillement. Le temps s'égrène, on change la donne, devenir enfin des hommes. Je sème mes mots, écoute, j'ai plus le temps. La vie est courte, ma belle, et je vivrai pas 100 ans. Je le sais, je mourrai d'une bizarre façon. C'est pour ça que j'aime la vie, jusqu'à en toucher le fond. Le tic-tac de l'horloge donne du rythme à ma pièce. Cette binaire maternelle, quel que soit notre faciès. Ouf, on a la musique qui nous empêche de devenir ouf. C'est mon unique logique. Allez, la paix à vous, j'abandonne la partie. Je tends la main vers l'horizon et j'évalue ma vie. Allez, la paix à vous, j'abandonne la partie. Je tends la main vers l'horizon et j'évalue ma vie. Le temps passe lentement, tic-tac, je chante doucement. Le temps s'égrène, réveil qui sonne, jusqu'à ce que mon heure sonne. Le temps passe lentement, tic-tac, je chante tranquillement. Le temps s'égrène, on change la donne, devenir enfin des hommes. Le temps passe lentement, tic-tac, je chante doucement. Le temps s'égrène, réveil qui sonne, jusqu'à ce que mon heure sonne. Le temps passe lentement, tic-tac, je chante tranquillement. Le temps s'égrène, on change la donne, devenir enfin des hommes. Devenir enfin des hommes. Devenir enfin des hommes.